On dit qu'il y a longtemps, un luthier d'Italie reçut d'un ami cher un cadeau merveilleux. Un jour qu'il construisait, toujours avec amour, des harpes et des luths, des viols, des violoncelles, sans raison, un ami lui offrit un violon. Très rare, très étrange et très ancien. Amantino, c'était son nom, se mit à en jouer. Et les sons qui venaient étaient si merveilleux qu'Amantino pleurait de joie, de bonheur et de joie. C'est alors qu'il voulut percer le secret du fabuleux instrument. Il chercha, chercha, mais ne trouva pas. Il en perdit le sommeil. Un soir, épuisé, son violon dans les mains, il regarda le ciel, les étoiles sans nombre, la lune ronde et douce et pleine infiniment, avec son regard de femme qui sourit. Une lune tranquille comme un ange qui danse. Une lumière étrange pénétra son esprit. Il fit un long voyage. Et l'histoire qui vient est celle de son rêve. Et de lune et voyons, c'est ça, quelques pincées de sel d'or, c'est bien ça, combiner, extraire, lier, chabracada, chabracadabra, c'est perlapapabradaka. Bonjour, qui ose me déranger? Ce lieu est interdit, sacré. Pourquoi ne puis-je y pénétrer? Parce que c'est ainsi. Il faut me laisser travailler et je n'ai pas à te répondre. Qui es-tu ? Je suis un alchimiste, un philosophe magicien. Je suis le gardien de la porte. Sais-tu? Laisse-moi donc travailler, laisse-moi donc. Que fais-tu? On était là. C'est ça, tirer de la vie au jour. Combien est-ce un chabrin? C'est de la papa. Ces fleurs sans nom sont nées de mes paroles. Dis-moi, as-tu la clé de cette porte? Apprends que nul ne peut la passer, que nul ne doit, en principe, franchir cette porte magique, à moins que tu n'arrives à me surprendre. Jamais t'ennuie. Bien, tu t'ennuies avec tes vieux grimoires. Si je te joue du violon, tu verras que je suis magicien. Que décides-tu? Si tu combles mon attente, j'exaucerai tous tes vœux. Je sais déchiffrer les âmes, et mon chant va pénétrer, toucher ton cœur. Ô troublante mélodie, qui jaillit de ses doigts, oh, quel enchantement! Alors, qu'en dis-tu? Est-ce de la magie? C'est le chant des âmes tranquilles. Ce qui suppose que tu viens d'ensorceler mon âme. Sois très franc. Ton art est grand. Alors veux-tu bien que je passe? Voici le secret. Transformer, accomplir des merveilles. Et tirer des prodiges de la nature. Comment vais-je m'y prendre? Dis-moi ce que je dois faire. Savoir recommencer, renaître. Attendre avec patience. Vois-tu trouver la forme pure qui se cache là, dans la matière, dans l'âme. Transformer le bois en son amour, apprendre à regarder tout. Humilité, confiance, c'est donc ça. Tu dois garder ton désir et travailler le temps qui vient et fuit. À ta solitude, tu donneras la source. Oui, à chaque instant, vouloir tout saisir sans se mentir comme beaucoup. C'est un risque d'amour. Un défi sans pareil, merveilleux, inouï. Je veux y croire sans dérailler, accomplir l'œuvre. À déchiffrer et du temps contempler, très longtemps de l'or surgira. Chacun de mes violons sera le fruit de tes conseils. Aux instruments, tu appliqueras ces lois et ainsi tireras des leçons de tous les aspects du monde. Prends cette clé de sol, par son or, la musique à nouveau dévoilée te deviendra familière. Va, poursuis ton rêve. Adieu. transformé avec toujours plus de patience. Faire d'un arbre dont les feuilles bruissent un assemblage et retrouver un jour à travers un violon le chant de l'arbre dans le jour. Ne te réjouis pas tant, un seul secret ne suffit pas. Ce n'est pas rien, je capture le temps, j'en fais de l'or en abondance. Que feras-tu de ton or? J'achèterai un peu de paix. La paix, c'est tant de prix, mais je manque beaucoup. Que feras-tu si tu t'égares? Une clé, c'est bien peu pour ouvrir trois serrures. Que faire alors si je me trompe? Tu t'affoles bien vite. Non, je n'ai pas peur. Je veux savoir, enfin, dis-moi, que faire? Si tu veux percer le prochain mystère, il te faudra séduire une femme. Et le mot femme, sais-tu? C'est déjà une clé. Une femme? Tu devras la découvrir. J'en connais si peu. Regarde bien. C'est la beauté qui danse. On dirait un vent. C'est la femme dont je te parlais. Va. Allez, va. Ne crains rien. Transforme tes craintes en courage. Pardon. S'il te plaît, qui es-tu? Dis-moi. Mais qui es-tu donc? Sais-tu, je joue du violon. Veux-tu entendre? maintenant, que va-t-il se passer? Oui, tu la vois. M'entends-tu? Que me réserve mon destin? Je t'entends. On n'entend même que toi. Ah, donc qu'attendais-tu? Ne vois-tu pas ce que je fais? On se joue de moi. Me prendrait-on pour une marionnette? Tu ne manques pas d'esprit, mais ce n'est pas assez. Explique-toi. Les deux clés que tu as, disons-le, bien méritées, ne te suffiront pas. Si tu ne réussis pas à percer le tout dernier mystère, tu auras perdu et ta peine et ton temps. Pour comprendre vraiment, il faut faire un peu plus. Oh, s'il te plaît, dis-le-moi. Adieu, j'ai déjà trop parlé. Je t'en prie, ne me laisse pas seul maintenant. Reviens, où es-tu? Ne m'abandonne pas. Voilà, voilà, reste calme. Écoute-moi bien. Il faut que tu arrives à faire rire une enfant triste. Et de ton ami magicien, demande-moi. Une petite fille triste, et depuis longtemps... Nul ne sait. N'oublie pas, fais-la rire. Si c'est là le secret, ce doit être un exploit que l'on attend de moi. Courage, avançons. Tu voudrais moi. que lumière joyeuse. C'est un grand magicien, demande-lui ce que tu veux. Vous ne connaissez rien. Voudrais-tu que je mette un éléphant dans une bouteille? Rien de plus facile, non? Voudrais-tu alors devenir un adulte d'une seconde à l'autre? Son âme. Si tu le veux. Plus jamais la nuit ne me fera. Dis que tu le plus profond secret, le voici. Savoir donner son âme, savoir la recevoir, pour qu'elle ne perde rien de sa beauté, pour qu'elle ne se perde jamais. Et si la nuit invente la tristesse, la musique efface tout. Quand Amantino s'éveillera, il se souviendra de ces secrets qui n'en forment qu'un seul. La vérité est un éclat de...